Leçon 3, exercice 26. Parler de soi et de l'autre. Exemple. Vous faites attention à la manière de vous habiller? Oui, j'y fais très attention. À vous. Vous êtes sensible au physique? Oui, j'y suis très sensible. Vous vous préoccupez de la décoration de votre appartement? Oui, je m'en préoccupe. Vous êtes attentive à votre look? Oui, j'y suis très attentive. Vous vous obligez à faire du sport? Oui, je m'oblige à en faire. Vous vous efforcez à sortir le soir? Oui, je m'y efforce.